En Corée, des logements à plus de 11 900 foyers sont surgis au bout de 2 mois au nord du pays. Des cérémonies d'emménagement des sinistrés du nord ont eu lieu respectivement le 19 et 20 en présence des vice-présidents Choi Ryong-hae, Kim Gi-nam, Choi Tae-bok, Lee Soo-yeon, Kim Pyong-hae, Lee Man-gun, Oh Soo-yeon, Kwak Pom-gi et Kim Yong-chul, des cadres intéressés, des habitants sinistrés, des cadres militaires et civils, des militaires et des membres de troupes de choc ayant participé aux travaux. À la suite des allocutions de félicitations des vice-présidents du comité central du parti, des permis d'usage de logement sont remis aux habitants et il y a eu des interventions. Les orateurs se sont déterminés à garder au fond du cœur les bienfaits immenses du respecté maréchal Kim Jong-un et à créer de nouveaux prodiges et exploits continus dans la grande campagne de tout le peuple pour appliquer la décision du 7e congrès du parti pour faire briller à jamais la patrie socialiste, pays du peuple, le meilleur qui soit dans le monde. Les aménagements se sont déroulés dans la ville de Faelong et les arrondissements de Musan, de Yeonsan, d'Ansan, de Gyeongmun et de Gyeongun. Les vice-présidents du comité central du parti ont visité des nouvelles maisons. Ils se sont entretenus avec les maîtres des nouvelles maisons réunissant toutes les conditions, notamment les vivres et le bois de chauffage, avant de leur remettre des articles de consommation courante comme souvenirs.